monstres sont des hommes maintenant. L'époque des héros est morte ou grave. Le Dieu Christ est racheté, laissant l'humanité sans rien à part de misérables martyrs, la peur. Territoïde et pop-off, ça vient de partout, pire qu'un cocktail molotov. Garde la tête levée dans ton passage, tu sois bien élevé au passage. Massage à coup de batte, est-ce que tu captes? Apto micro comme au fat cap, tu défonces dur, tu défonces les murs à coup sûr que des textes purs remplis de radure. Je peux pas faire de la variette, avec mes cigles je me la pète, donne-moi que la maille. Faut que je me taille trop longtemps sur la paille, faut que je trouve la faille pour embarquer mes frères, ensemble on pourra jamais se taire. L'argent ne fait pas le bonheur, alors pourquoi est-il là? Tu ne croises pas de malheur, puis donne-moi tout ce que t'as. La galère s'amène vers une misère qui te malmène. Ramène-moi si possible. Pas ta haine pour la gitan et le grécos. Un pulse qui te monte dans le mercos. Un pulse qui torche s'instru. Avec ACW y'a pas d'intrus. Parce qu'on sait que la rue nous guette. Qui a plus beaucoup de temps avant que la société elle pète. C'est pour ça qu'on sait pas. C'est pour ça que tu sais pas. Pourquoi on sort du troupeau. KCW répète dans le studio. Cool Mathieu et Canardo. Toujours à la page. Toujours avec la rage qui tourne dans nos pages. L'instru on l'arrache. À la vie on s'attache. Attention qu'on s'attache. Le texte je le crache. Dans la rue je marche. Qui pleuve, qui vente ou qui neige. Comment sortir ce manège. Qui tourne en rond. Qui attire les cons. Tire le son de toutes ces bastons. Bâton prochain. Qui te cherche, y'a qu'avec l'alcool tu perches. Marie la sénégalaise et tous les gens se taisent. Critique pas quand tu connais pas, ne parle pas si tu sais pas. Toujours le ventre creux, fais ce que tu peux. C'est pas la crise financière, c'est la crise sur cette terre. Difficile de trouver ses pères. Grandis sans prépaire, adolescent, rêve de l'effervescent. Plus ou moins efficacement, prends pas de médicaments. La démange, la condense, avance dans l'errance. Pas toujours dans le bon sens. Marre des conneries qui tombent dessus alors tu n'y pensais même plus. Plus encore, leur sale décor qui donne le goût de mort. Sur notre belle bleue, n'importe quel état de marave. D'une façon ou d'une autre, ils marchent sur des tas de cadavres. Et le peuple dit que c'est pas grave. Remets les médailles pour les gens braves, bave devant tout ce que tu regardes. Savent pas qu'elle m'égarde, m'égarde le peu d'affaires qui te reste à faire. À faire le comptoir, rien de bon, bon temps de bon ton. Ton entourage t'informe sur la merde, difforme. Tu dis fort que personne peut t'avoir et tu cries fort. Fortement remonté contre l'état, la vie les alertes. Aller à Montpel, pas se retrouver seul. Seulement tu tombes sur des gens pas forcément contents. Comme si je l'étais, descendre en plein été. Le froid de la nuit va pas s'arrêter, se mettre la gueule quand y'a rien à péter. Le fait est que le monde part en couille. Les gosses grandissent avec des douilles et des obus. Pendant qu'on se réveille, putain j'ai trop bu. Pas moyen plutôt futé quand t'arrives à la buter. Butine le bitume quand tu te retrouves sans thune. Y'a qu'avec les potes tu fumes la tête au sud d'une enfume. Du mal à vivre, du mal à se confier, du mal à manger. Putain c'est de la folie comme on est tous saoulés. Saoulés de la merde ou de l'alcool, ça me fait penser qu'il faudrait se pencher sur la soif de l'or pas encore épongé. Surtout ces Français soi-disant étrangers, étranglés par une fausse justice parce que c'est la crise. C'est normal, t'as vu le bénéfice. Fils de la rue contre les corbeaux, c'est la corgrette. J'pète non lieu et y'en a encore qui prie le bon Dieu. Mon vieux se battre, ça vaut mieux traîner de force. Mais attention, les fautes oranges, c'est pareil partout. Ça pénave, ça double, c'est des galères partout. C'est des chiens, mais pas tous. KCW est là pour tous, bon ou mauvais, clair ou bronzé, black ou beurré. On fait des textes clairs et on est là pour représenter tout ce qui nous accable et qui fait péter un câble. Toujours au rap, au rabais, mais quand même on s'aguerre envers les maisons d'arrêt, les flics et les flics tarés. Faut taper, car des hommes ne peuvent juger des hommes. C'est la claire liberté tombe. Que si t'ouvres ta gueule, on plombe. Boycott, passe fausse, cause pauvre, faute grave. Comme dit mon pote, il marche sur des tas de cadavres. Arrêtez, y'en a qui s'en battent les couilles. C'est ceux qui dirigent, ça fait des piges. Ça fait des piges. Chichon fait coup, chichon nique tout. Le trou de la sécu, y'a des droits, ils sont tous en train de chier dessus. Ça m'étonne pas, c'est l'argent, ça rend fou, ça rend flou. Heureusement, je suis fauché, mais je veux être le faucheur. C'est réservoir, c'est réservoir, c'est réservoir d'op.